Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 27 octobre 2017. Voici les grands titres de cette édition. Le budget général de l'État pour l'exercice 2018, estimé à plus de 1380 milliards de francs burundais, sera financé à 80% par les recettes internes en raison d'une reprise modérée de l'économie burundaise, selon Philippe Nzobonariba, porte-parole du gouvernement, qui ajoute que la politique d'austérité sera maintenue. Le Burundi quitte définitivement la Cour pénale internationale ce 27 octobre 2017 et les réactions sont controversées dans les milieux politiques burundais à propos de ce retrait définitif du Burundi de la Convention de Rome instituant la CPI. Et le parti MLC Lorenzo Ngamero déclare que la révision de la Constitution aurait dû être discutée dans le cadre du dialogue qui se déroule à Arusha en Tanzanie et demande aux facilitateurs de convoquer une session extraordinaire pour en discuter. Et le reportage du jour nous conduira en commune Nyabitsinda de la province Ruyigi et ce sera pour parler de la cohabitation des rapatriés des camps de réfugiés de Tanzanie avec les résidents. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par François Akimane. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, la révision de la Constitution devrait être discutée dans le cadre du dialogue qui se déroule à Arusha, en Tanzanie. Le porte-parole du parti MLC, Lorenzo Ngamero, appelle le facilitateur dans le dialogue inter-burundais de convoquer une session afin d'amener le gouvernement burundais à changer la Constitution par la voie du dialogue. Eric Ngengo-Urundi précise que sa formation politique n'a pas été consultée par la commission chargée de proposer les dispositions amendées. Suivez Eric Ngengo-Urundi au téléphone avec Alain Désiré Boukayeneza. Au sujet de la révision de la Constitution, le parti MRC Lorenzo Ngamero n'a pas été consulté. Donc nous n'avons pas donné aucun avis, aucune considération. Et par ailleurs, nous sommes contre cette procédure parce que pour nous, c'est une décision unilatérale prise par la seule partie qui est le pouvoir. La révision n'est pas opportune parce que nous sommes dans un contexte extrêmement difficile politiquement. On ne peut pas admettre une telle révision. Et tant il est vrai que dans l'avenir, si tous les acteurs politiques se mettent ensemble pour en discuter, et nous sommes d'accord que quelques dispositions pourraient être revues, mais pas aujourd'hui. Autre chose, c'est que pour nous, cette révision signifie donc l'enterrement, carrément, l'enterrement des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation, parce que cette constitution découlait de la conclusion donc des accords d'Arusha. C'est aussi une révision que, pour nous qui signifie d'ailleurs l'arrêt définitif des pourparlers inter-burundais qui se déroulaient à Arusha. Mais quelle est votre proposition puisque la machine est déjà en marche? Oui, il est vrai, la machine est déjà en marche, mais nous demandons d'abord à l'Assemblée nationale qu'il ne faut pas permettre cette révision, mais aussi nous lançons un appel vibrant à l'endroit du facilitateur et du médiateur, et quitte à ce qu'il pourrait plutôt convoquer des sessions à Arusha pour discuter de tous les sujets politiques, et notamment la révision de la Constitution, si le gouvernement en évoque. Mais pour nous, nous disons que ce n'est pas une affaire d'une seule partie, ce n'est pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire de tous les acteurs politiques. Eric Ngengo-Burundi, porte-parole du parti MRC, Lorenzo Ngamero et le président du parti Sabanya Frode Bunyakurira Gigyanda Daye explique que sa formation politique a été consultée pour les dispositions amendées dans la Constitution via les consultations qui ont été effectuées par la Commission nationale de dialogue interne. Kefani Vizi demande en outre que les partis politiques, les confessions religieuses et la société civile soient de nouveau consultés avant que cette constitution ne soit révisée. Suivez-le au micro d'Evra Javier Iman. Ensemble avec les partis politiques Agitega et Arthur Soussedinir, nous avions demandé qu'il y ait mise en place de cette commission de proposer des amendements de la constitution et qu'on devrait beaucoup plus se baser sur les propositions ici et des consultations effectuées par la CNDI. Partant, le parti Sonia Frode Bunyakuri, à travers ses dirigeants et même ses membres qui se trouvent dans tout le pays, ont eu l'occasion de donner les avis et considérations sur certains amendements qui devraient avoir lieu dans la Constitution. Donc, nous gardons toujours espoir et que la commission qui est en charge de proposer ces amendements aurait tenu en considération l'essentiel de nos propositions. À vous entendre, c'est-à-dire qu'au sein du parti Sahania Frodewi Iragi Ganda Daye, votre formation politique a été consultée, c'est ça? On avait demandé que les partis politiques, les organisations de la société civile, les églises et d'autres forces vives de la nation soient consultées particulièrement pour cette activité d'amendement de la Constitution, mais qui sont en train d'effectuer cet amendement, peut-être n'ont pas choisi cette option. Donc pour nous, nous attendons réellement de voir quels sont les amendements qui ont été retenus. Sachez que le gouvernement burundais a déjà donné son accord à la commission chargée d'amender la constitution à procéder à l'élaboration d'une autre constitution burundaise. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce jeudi, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le 24 octobre courant, le Conseil des ministres a analysé le rapport de la dite commission et après son amendement, il l'a adopté et a ordonné à la commission de passer à l'autre étape. En somme, Philippe Nzobonariba a dit que sur 307 articles de l'actuelle constitution, 77 seront amendés, 3 enrayés et 9 autres ajoutés. Le budget général de l'État, exercice 2018, est estimé à 1387,5 milliards de francs burundais. Cela ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue ce mercredi de la semaine en cours sous la présidence du numéro 1 burundais. Le secrétaire général des porte-parole du gouvernement souligne que le taux d'indépendance budgétaire est de 81,2%, un projet des finances préparé dans le contexte économique de reprise modérée de l'économie, mais que la politique d'austérité sera maintenue, ajoute Philippe Nzobonariba, secrétaire général des porte-parole du gouvernement burundais. Suivez-le. Le gouvernement prépare le projet du budget de l'exercice 2018 dans un contexte économique marqué par une reprise modérée de l'économie, la poursuite de la politique budgétaire prudente et d'austérité dans la gestion du budget de l'État au cours de l'exercice budgétaire 2017. Pour l'année 2018, la politique budgétaire prudente et d'austérité sera maintenue en vue de sauvegarder l'équilibre macroéconomique et budgétaire pour amorcer la relance économique du pays. Et à la fin de 2017, la croissance économique se situerait autour de 3,5% pour atteindre 3,9%, soit presque 4% en 2018. Ces ressources seront essentiellement orientées dans les secteurs prioritaires du gouvernement, à savoir les secteurs de défense et de sécurité, les secteurs sociaux comme l'éducation, la santé et autres, les secteurs porteurs de croissance économique comme l'agriculture, l'énergie et mines, le transport, etc. Et bien entendu, dans les autres secteurs nécessaires au développement du pays. Pour l'année 2018, les ressources totales du budget général de l'État sont estimées à 1224,1 milliards de francs bou contre 1152,7 milliards de francs bou l'année 2017, soit une augmentation de 6,2%. Quant aux charges, elles passent de 1326,8 milliards en 2017 à 1387,5 milliards de francs bou en 2018, soit un accroissement de 4,6%. Le déficit global du budget général de 2018 s'élève ainsi à 163,4 milliards de francs bou contre 174 milliards de francs bou en 2017, qui sera équilibré par financement intérieur et extérieur. Sur les hypothèses macroéconomiques et budgétaires pour l'année 2018, le taux d'indépendance budgétaire est estimé à 81,2%. La ministre de la Justice appelle les administratifs, la police et les organes judiciaires à suivre de près la situation des droits de l'homme du jour au jour. Au cours d'une réunion avec certains membres des organes suspensionnés, Laurentine Kanyana a demandé aux administratifs de donner mensuellement les rapports sur la situation des droits de l'homme. À ce jour du retrait effectif de la Cour pénale internationale, la ministre Kanyana dit qu'ils ont arrêté une série de mesures pour faciliter à tous l'accès à la justice. Les détails avec médiatrice Emeru Sabe, stagiaire à notre station. La ministre de la Justice indique que le retrait du Burundi de la CPI ne signifie pas que l'impunité va régner au Burundi. Laurentine Kanyana annonce qu'une série de mesures a été prise pour plutôt améliorer la situation des droits de l'homme et surtout faciliter l'accès à la justice à tous les justiciables. Laurentine Kanyana fait savoir que les descentes dans les prisons seront multipliées pour faciliter l'accélération des dossiers des prisonniers. Elle en appelle aussi aux aux magistrats d'accélérer les dossiers pénaux pour ne pas entraver la procédure judiciaire. Aux administratifs, la ministre Kanyana leur a demandé de faire des rapports hebdomadaires sur la situation des droits de l'homme dans leur circonscription et de les transmettre mensuellement à son ministère. Cela facilitera la tâche au gouvernement quand viendra le moment d'exposer la situation des droits de l'homme lors des travaux de la Commission des droits de l'homme à Genève. Quant au procureur général de la République, il a demandé aux officiers du ministère public de visiter chaque semaine les cachots dans la mesure du possible libérer ceux qui sont injustement incarcérés par les officiers de la police judiciaire. Il exhorte aussi aux OPJ de ne pas incarcérer les gens pour les affaires civiles. Médiatrice Emeru Sabe, stagiaire à notre station, et le parti UPD Zigamibanga se réjouit du retrait effectif du Burundi du statut de Rome qui consacre la création de la Cour pénale internationale à La Haye. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, ce parti rappelle qu'en ces dates du 27 octobre 2017, le Burundi signe le retrait définitif de la CPI. Pour ce parti, le Burundi ne bénéficie d'un quelconque avantage de cet accord. Il demande au gouvernement de ne plus ratifier des accords qui placent la population burundaise dans des situations de domination politico-économique par des puissances étrangères. L'UPD Zigamibanga demande à la justice burundaise de redoubler d'efforts pour traiter avec célérité les dossiers des justiciables et aux magistrats burundais de prouver à la face du monde leur indépendance vis-à-vis des autres institutions de la République. Réaction du parti Sabanya Frodebou qui considère que le retrait du Burundi du statut de Rome régissant la Cour pénale internationale est une perte énorme pour le pays et pour les Burundais. Et le fait que le gouvernement burundais ait déclaré que la justice burundaise pourrait statuer sur les crimes qui sont commis dans le pays, le vice-président de ce parti, Léonce Ngendakumana, indique que la justice est restée incompétente et n'a jamais jugé les crimes contre l'humanité commis depuis l'indépendance du Burundi. Ajoute-t-il, je vous propose de l'écouter, il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyana. C'est une perte pour le Burundi, il n'y a pas de gain là-dedans. Les conséquences, c'est que l'impunité va être consacrée de si deux mois après demain, il y a un État, un pays qui, par exemple, attaque le Burundi et commette des crimes de ce genre, le Burundi n'aura pas où se plaindre ou porter plainte parce qu'il se sera retiré de la CPI. C'est pour cette raison que nous allons continuer au niveau du Frodebou d'exiger que le Burundi entre dans ces institutions internationales qui luttent contre l'impunité pour être solidaire avec les autres, c'est le cas de la gestion de ces crimes. Le gouvernement burundais explique qu'il a une justice indépendante qui pourra statuer sur ces crimes. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Le parti CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui le connaît mieux que qui que ce soit, que la justice burundaise a été toujours une justice au service d'un parti, au service d'une ethnie. C'est une justice qui a été jusqu'aujourd'hui incapable de mener des enquêtes, terminer les enquêtes et traduire en justice les auteurs de ces crimes. Le dossier Ndadaye, où est-il? S'il y avait une justice franchement indépendante, s'il y avait une justice capable de juger ces crimes, le dossier Ndadaye pendant une vingtaine d'années n'a pas été à mesure de juger ce dossier. Le gouvernement burundais et d'autres gouvernements des États africains se retirent de la CPI, arguant que cette cour ne met les mains que sur les autorités africaines, mais pas sur les autorités des grandes puissances. Regardez un peu partout, aujourd'hui, au monde, c'est sur le continent africain où on observe à grande échelle ces crimes. Par le fait que les chefs d'État africains actuels sont solidaires pour s'éterniser au pouvoir. Ils sont les principaux auteurs de ces crimes. Ce qui est important, c'est de juger un crime si le crime est déjà commis. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sabanya Frodebou, au téléphone avec Évariste Nzikobanyana. Vous saurez que le Burundi avait adhéré au statut de Rome en 2004. L'élection sénatoriale partielle en remplacement de l'honorable Martin Bazoumoutima, récemment nommé ambassadeur, aura lieu le 7 novembre 2017. Dans un point de presse animé ce vendredi, la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante a indiqué qu'il s'agit d'un scrutin indirect où participent les grands électeurs de la mairie de Bujumbura, circonscription de l'honorable Bazoumoutima. Anosiat Niyonguru a également fait savoir que les candidats dont les dossiers ont été déclarés recevables par la CENI sont Norbert Wikorimana et Joseph Désiré Senguiyumva du CNDD-FDD. l'élection sénatoriale partielle à mairie de Bujumbura en remplacement de l'honorable Martin Bazoumoutima aura lieu le 7 novembre 2017 conformément au décret numéro 171 du 22 septembre 2017 portant convocation du collège électoral à cette élection. Ce collège électoral est composé de tous les membres des conseils communaux siégeant de la mairie de Bujumbura de la législature de 2015-2020 comme le stipule la loi. Le même décret invitait les partis politiques, les coalitions et les candidats indépendants remplissant les conditions fixées par la loi et qui le souhaitaient à déposer leur candidature ainsi que leurs insignes à la CENI du 25 septembre au 9 octobre 2017. La CENI a l'honneur de vous informer qu'elle a réceptionné uniquement les dossiers de candidature du parti CNDD-FDD. Les candidats dont les dossiers ont été déclarés recevables par la CENI sont Norbert Bikolimana et Joseph Désiré Nsengiyoum, respectivement en qualité de titulaire et suppléant. L'élection sénatoriale partielle en remplacement de l'honorable Martin Bazoumoutima, élu de la circonscription de la mairie de Bujumbura, aura lieu à mairie de Bujumbura. La campagne électorale se déroulera également à mairie de Bujumbura. Et des médecins spécialistes indiens en otorino-laryngologie, ORL, et en cancérologie sont dans une campagne d'intervention au centre médico-chirurgical de Kinin, au CMCK. Ils sont là pour réaliser des opérations qui habituellement se faisaient à l'étranger. Et Dr Claver Ndehokubgayo indique que les avantages sont directs pour les patients car les coûts seront abordables. Il s'agit de deux spécialités, la spécialité ORL, otorhinolaryngologie, et la spécialité de cancérologie. Et ce sont des interventions qui nécessitent une spécialisation à la matière et de bon matériel pour le faire. Et le cancérologue s'occupera de tout cancer, mais les opérations vont être réalisées sur les cancers qui ne sont pas métastasés. Peut-être aussi avec une mise sous chimiothérapie en cas de besoin. En ce qui est du coût, je pense que je serai pas à mesure de préciser les coûts parce que le prix varie d'une intervention à l'autre. C'est difficile de fixer. Je crois que par rapport à ce que les patients puissent d'abord se rendre à l'étranger pour faire les interventions, vu le coût de voyage, de séjour, moi je pense que ces interventions seront vraiment abordables. Je dirais l'avantage, il est direct pour les patients. Le patient est traité et guéri, il devient actif et du coup le pays en bénéficie parce que celui qui était inactif devient actif et il produit pour le pays. Voilà, c'était Dr Claver Ndehokubgayo qui preste au centre médico-chirurgical de Kinindo, CMCK. Sachez que cette campagne a commencé le 25 octobre et se terminera le 3 novembre prochain. À la source, reportage. Je l'avais annoncé dans les titres, le reportage du jour nous conduit en commune Nyabitsinda de la province Ruyigi et c'est pour parler de cohabitation entre les rapatriés des camps de Tanzanie avec les résidents. Les autorités communales et provinciales appellent ces deux catégories à cohabiter pacifiquement. Voici le reportage de Mireille Kanyange et les deux retours de Ruyigi. Chubga Deo est natif de la colline commune Nyabitsinda. Nous l'avons rencontré chez lui avec les voisins en train d'éplucher du manioc. Il avait fui le pays en novembre 2016. Il est rentré en mai de cette année. Il affirme avoir été bien accueilli par le voisinage. Dès que je suis arrivé, j'ai eu peur que l'on va m'attraper et me faire du mal. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne me reprochent rien. Je n'ai eu aucun problème. Pour son voisin, ils ont assisté la femme et l'enfant de Chubga restés sur la colline. Nous nous sommes entraidés. Ce qu'elle manquait, elle demandait dans le voisinage. Elle se confiait à d'autres femmes pour avoir du sel ou pour amener l'enfant à l'hôpital. À ce moment, une autre femme gardait l'autre enfant resté à la maison. Nyamwero Fortuna habite la colline Ndago de la même commune. Il vient de rentrer. Nous l'avons trouvé en train de coudre. Il dit avoir très bien appris la machine au camp de réfugiés en Tanzanie. Valina Kandi-Laurent est le numéro 2 des 5 élus collinaires Ndago. Il précise que les rapatriés sont bien accueillis et que les élus collinaires sensibilisent ces rapatriés à vite se mettre aux travaux champêtres. Normalement, nous les accueillons car nous connaissons leurs problèmes. Notre appui, c'est de les réconforter et les appeler à œuvrer pour la famille. S'ils ne cultivent pas sans le pied de terre, c'est la famine qui s'installe. Quelle assistance de ces rapatriés au niveau communal? Nigahela Tassien est le conseiller administratif et social. La commune est d'abord les octrois des attestations de reconnaissance. Une autre assistance que nous les avons donnée, la mobilisation qui a été faite par l'administration communale. Et l'administration a mobilisé sa population pour qu'il collecte des différents vivres. Donc chacun donne ce qu'il a. Nous stockons ce que nous recevons et puis nous programmons un jour pour que nous distribuions ces vivres ou bien cette assistance que nous avons collecté dans les différents ménages. Au niveau provincial, Valérie Ngunzimana, conseiller principal du gouverneur de la province Ruigi, appelle les résidents et les rapatriés à vivre pacifiquement. Concernant les rapatriés dans notre province, nous avons déjà préparé la population au niveau local, qu'ils doivent les accueillir chaleureusement, qu'ils doivent les assister. Parce que même au moment où ils étaient en train de fuir vers la Tanzanie, nous les avions sensibilisés pour effectivement garder bien leur maison, leur bien. On leur donne aussi l'attestation de rapatriement. Rapatriés et résidents interpellent ceux qui sont encore dans les camps de réfugiés à regagner le pays. Merci Mireille Kanyang et c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal à 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de François Akimana. Au micro Jean Bosco, Nduimana, un bon après-midi.